Je vois une interruption dans votre carrière professionnelle entre 2005 et 2007. Oui, je suis parti en Amérique du Sud. Je suis allé au Pérou, au Chili et en Bolivie, où finalement je suis resté plus d'un an. Je suis devenu responsable d'une petite association humanitaire. Intéressant. Quand vous êtes revenu en France, vous avez pu vous réadapter facilement ? Oui, sans problème.